Bienvenue à l'Office de tourisme Terroir de Caux. Vous y trouverez de multiples centres d'intérêt. Patrimoine, nature, mer et produits du terroir. Un patrimoine architectural varié et témoin de l'histoire rurale à travers les manoirs, châteaux, villas, fermes, églises et autres édifices civils. Une nature exceptionnelle le long des vallées de la Sanne, de la Vienne, de la Scie et de la Varenne, mais aussi en forêt des Avis et sur le littoral avec sa plage de sable et de galets. La plage de Quiberville-sur-Mer est l'une des plus vastes étendues de sable à marée basse de la côte d'Albâtre. Un terroir célèbre avec ses produits phares à déguster dans nos fermes ou sur nos marchés typiques. À Auffay le vendredi matin et à Luneray le dimanche matin. Des bourgs dynamiques avec leurs commerces de proximité, marchés et leurs animations locales tout au long de l'année. Laissez-vous séduire par ce concentré de Normandie, au cœur du pays Dieppois Terroir de Caux, où la diversité n'en finira pas de vous surprendre.